Radio Libertaire, c'est Bulle de Rêve, le magazine de l'animation proposé par Alexis avec à la co-animation peut-être un jeune stagiaire du nom d'Olivier Quatrin, on va bien voir. Et oui, non Juliette, faut pas encore parler. C'est Bulle de Rêve, l'émission 100% animation, c'est le retour. Vous avez déjà entendu qu'Olivier Quatrin était là. Juliette, on a fait en fait à l'inverse. On va recevoir aujourd'hui, ben pour le retour en fait, la rentrée. Forcément, l'événement en cinéma d'animation en octobre, c'est la fête de l'animation. Donc on a Anne Barguin du réseau des cinémas indépendants parisiens. Bonjour. Bonjour. L'inévitable Juliette Crochu, maintenant, coordinatrice, c'est ça de la fête de... Le titre exact, c'est coordinatrice de la coordinatrice fête. Coordinatrice de la fête du cinéma d'animation. C'est pas international du cinéma d'animation. On peut rajouter international. Ouais, ça national et international. Ah, voilà. Et bien sûr, comme vous le savez bien, je suis obligé dans mon contrat de faire revenir Olivier Quatrin. Au moins une fois par an. Au moins une fois par an, sinon il ne me laisse pas derrière ce micro. Donc Olivier, bonjour. Bonjour Alexis. Avec qui on va parler de la fête, mais aussi on va parler des états des lieux, de la production qui est organisée par l'AFCA pendant la fête du cinéma d'animation au Forum des Images. Donc voilà, c'est reparti pour presque deux heures de cinéma d'animation. On est très content d'être de retour. On a entendu en forme de générique la musique de Dario Marianelli pour Atonement, dont j'ai complètement oublié le nom en français. C'était ce très joli film, c'est pendant la guerre, enfin bon, c'est pas grave. Atonement, c'est le titre en anglais, c'est ça. Et le disque coup de cœur de ce mois-ci, c'est, on va passer un peu d'électro, c'est Guy Borato, un Brésilien, vous allez voir, c'est très cool. On écoute donc Guy Borato. Thank you. cities and suburbs, all over the world, there are those who find life a little confusing. Who find the things that people say, be a creep, the things they do, the stuff that just happens, quite bewildering. But sometimes those who find the world impossible find each other. Dear Max, I am 8 years old. It would be great if you could be my friend. Dear Mary, thank you for the letter. I find the world very chaotic. Because my mind is very literal and logical. Where do babies come from in America? In Australia, they are found in beer glasses. Here is a drawing of me. Babies are laid by Catholic nuns. If you're an atheist, they're laid by dirty, lonely prostitutes. My mother likes smoking and sherry. My father left my mother when I was 6. He shot himself with my uncle's gun. Can you explain love? Have you got a girlfriend, Max? He kisses me without my permission. I know love upsets you, so I won't go on about it. All I want to say is that love is obviously not for me. Dear Mary, you are my best friend. You are my only friend. Mary and Max. P.S. Do you know that turtles can breathe through their anuses? Ooh. Ça va être dur, je les sens très bavards aujourd'hui, ils sont très dissipés. Donc nous avons entendu Guy Borato, ton premier album, donc un Brésilien qui fait une électro assez cool comme ça. Et juste après, on a écouté la bande-annonce de Marianne Max, film d'Adam Elliott, qui vient de sortir mercredi dernier, que je vous conseille d'aller voir absolument, absolument, qu'un film superbe et faut absolument que ça marche. Les débuts ont été corrects, mais moyens quand même, donc il faut se précipiter pour aller voir ce film. Il joue dans plein de salles, il joue dans 14 salles à Paris, il joue dans plein de salles en province aussi quand même, sorti par Gaumont, qui n'a pas fait tellement de pubs sur le film, qui a dû y croire à moitié à un moment donné, qui a dû avoir un petit peu peur, mais donc voilà, en tout cas c'est un film magnifique à absolument aller voir. Donc, après Marianne Max, et donc le film Attainment en français c'était Reviens-moi, voilà, comme ça on sait tout sur les premières musiques qu'on vient d'entendre. Donc, nous allons commencer à parler par la personne qui n'est jamais venue autour de cette table. Désolé. Anne Barguin, on va parler des réseaux. Bizutage. Non, non, pas du tout. C'est juste, c'est, au contraire, c'est la galanterie. C'est juste, elle n'est jamais venue, donc c'est normal qu'elle passe en premier. C'est quoi le réseau des cinémas indépendants parisiens? Alors, c'est 28 salles à Paris donc, qui se sont réunies pour travailler autour du jeune public sur Paris. Il y a 28 salles aujourd'hui. On organise aussi, donc 11 salles organisent l'Enfance de l'Art. L'Enfance de l'Art, c'est un programme pour les jeunes publics de 3 à 12 ans, mais pas que, dans 11 salles à Paris. Donc, cette année, on a décidé de travailler avec l'AFCA et Juliette sur la fête du cinéma d'animation. Mais le réseau, donc, c'est uniquement, le réseau du cinéma, c'est uniquement donc, sur le jeune public. C'est la base même, c'est le jeune public, c'est ça? C'est la base du regroupement. Ouais. D'accord, ok. Voilà, donc on organise collège, enfin on coordonne en tout cas collège au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma. Donc voilà. Ils sont un des montrés aux collégiens et aux lycéens en fait au moins 2-3 films par an et ensuite d'avoir des profs normalement qui les entourent avec ces films-là. Mais les profs sont bénévoles, c'est ça hein? Non, c'est en tout cas c'est pris sur leur temps de loisirs quand ils viennent voir le film, je crois, ou ce genre de choses, non? Pas forcément, puisque nous, on organise des formations pour les enseignants, donc sur leur temps de travail, donc ils peuvent venir donc, sur ces formations. Ensuite, effectivement, c'est sur le travail supplémentaire qu'ils vont faire, en tout cas en préparation pour travailler avec leurs élèves, se fera effectivement sur leur temps de libre, en tout d'accord. Cas. D'accord, donc voilà. C'est vraiment une volonté d'un seul coup d'un prof aussi de vouloir... Exactement, de défendre le projet. À défendre et d'aller plus loin. Voilà, et pour nous, c'est effectivement amener les collégiens et les lycéens en salle de cinéma, découvrir des films qu'ils n'auraient pas a priori voir, et aussi bien des films contemporains que des films de répertoire. Donc l'idée, là, par rapport et enfance de l'art et tout ce que fait le cinéma, ce réseau, c'est de montrer des films connus, pas connus. Avant de parler juste de la fête, évidemment, ouais. Et de ce qui va se passer, c'est de montrer des films qui sont restés très peu de temps à l'affiche ou au contraire. Exactement. Voilà, effectivement. Donc ça, c'est les films contemporains, plutôt connus ou pas connus, mais qui sont restés peu de temps en salle. Donc qu'on reprend, nous, en règle générale, un, deux ou trois mois après. Ça peut être des films qui ont eu du succès, d'autres un peu moins. Ça, voilà. L'idée est vraiment d'aller... qu'ils trouvent en tout cas leur public. Après, ce sont pas forcément d'ailleurs des films faits pour les enfants, mais qui peuvent être vus et découverts par les enfants. Mais d'ailleurs, les lycéens, c'est plus tout à fait des enfants. Oui, mais c'est vrai que sur l'enfance de l'art, par exemple, c'est, voilà, c'est vrai qu'on c'est plutôt 3-12 ans, on va dire. Mais après, voilà, quand on va présenter, je sais pas... Frix. Oui, par exemple, Frix, on pourrait le présenter. Là, en ce moment, il y a certains Lame Show. Voilà, pour les 3 ans, certaines mêmes choses, c'est encore un peu. Voilà, plaisir. Mais voilà, à partir de. Non, on propose à partir de 8 ans. Voilà, on le présente aussi en VO, puisque la VO, c'est un. L'idée, pardon, de se regrouper en salle, c'est que ça permet en fait, de dire au distributeur, bah voilà, votre film, vous allez le passer dans tant de salles, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de locations, il y a quelque chose comme ça, c'est pour ça qu'il y a un réseau, en fait, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de s'être construit en réseau. Aussi, oui, puis du coup, les salles, en tout cas, et d'ailleurs, comme la programmation se fait de façon collective. Donc, on se retrouve tous les 3 mois pour discuter d'une programmation commune. D'accord, avec les différentes salles. Avec les différentes salles, voilà. D'accord. Et donc, pourquoi c'est la première année que l'enfance de l'art met avec la fête de l'animation ? Non, on a démarré l'année dernière à travailler avec Juliette. 2 salles y participaient, le cinéma d'enfer et le cinéma l'archipel. Cette année, 7 salles participent. Et donc juste l'année dernière, avant parce que c'était Olivier, non, c'était pas. Eh ben non, mais oui, en fait, j'ai entendu avec Juliette, c'est ça, Olivier, c'était pas. Je sais pas du tout. Moi, ça on fait. On m'a même pas répondu. non, c'était pas pour lancer. Moi, c'est vrai que ma volonté l'année dernière en arrivant sur la coordination de la fête, c'était d'essayer d'impliquer de plus en plus les réseaux de salles de cinéma qui font déjà tout un travail à l'année. Et du coup, c'est vrai que sur Paris. Ce qui est paradoxal, c'est que la fête sur Paris n'est pas parfois aussi développée qu'en région. Donc mon challenge, c'était un peu justement de développer la fête sur Paris. Et je me suis donc rapprochée de différents réseaux, comme les cinémas indépendants parisiens, pour développer des choses sur Paris. Oui, parce que là, on a plusieurs salles, Grand Action, Panthéon. Ouais, juste, c'est vrai que des salles comme le D'Enfer ou l'Archipel participaient en fait à la fête depuis des années. Oui, c'est ça, sans passer par le réseau. Sans passer par le réseau. Et par l'enfance, enfance de l'art. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme... Là, j'ai le programme. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, 7, 8, 9 projections. Oui, 9 projections exceptionnelles, effectivement, avec soit des réalisateurs, soit des présentations spéciales, des ciné-goûtés. Voilà, enfin... Le premier, on peut les faire, parce que c'est intéressant, mercredi 14 octobre à 14h, c'est pas mal. Je suis pas sûr que j'ai vu beaucoup... Si, j'avais vu Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi, je crois, en Grand Action, il y a très longtemps, mais il passe assez rarement de l'animation, donc c'est bien que le Grand Action, qui a un cinéma mythique, enfin, ça fait partie des cinémas mythiques de Paris, passe de l'animation, et puis en plus, ils reçoivent pas n'importe qui, puisque c'est le programme, c'est Pleine Lune. Oui, Pleine Lune. Et avec, donc... Alors, c'est un programme de 5 courts-métrages réalisés par Laurent Gorgiard, Emmanuel Gorgiard et Bruno Collet, qui a réalisé 3 films. Voilà, Bruno Collet sera donc là pour présenter le film, ainsi que Jean-François Lecor, qui est le producteur de Vivement Lundi, qui produit donc énormément de courts-métrages d'animation. Ils seront là tous les deux pour présenter le film et débattre à l'issue de la séance, discuter avec les spectateurs. Et surtout, ils viendront présenter une petite surprise, c'est le dernier film... réalisé par Bruno Collet, qui est Le Petit Dragon, donc un hommage à Bruce Lee. Voilà, petit film surprise sur cette séance. Oui, puis ça marche bien, Bruno Collet, avec les... Parce que techniquement, c'est plutôt bien fait. Je dis ça, on dirait que les autres sont mal faits, mais non, c'est que... Non, c'est clean, c'est propre, on va dire, et ça plaît bien, c'est bien réalisé, il a fait les séries télé, et donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui... voilà. Non, Olivier ? Okay, Olivier Le Dragon, c'est très bien. En tout cas, ils viennent tous les deux exprès pour cette séance. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Oh, non, mais, on va pas se lancer sur Le Petit Dragon. Moi, je suis un grand fan de Bruce Lee, donc c'est pour ça que c'est difficile d'être fan du Petit Dragon. Mal, mais c'est pas grave. Mais c'est super bien ce que fait quand même Bruno Collet. Hein. Ensuite, il y a la suite de 1, 2, 3 Léon. Exactement. Folle Image, avec 4, 5, 6 Mélie Pain d'Épices. Réalisé par Pierre Le Grandjean, qui sera dans la salle. Oui, il sera dans la salle. Du Panthéon, c'est quelqu'un d'assez passionnant, Père Legrandjean. J'ai jamais entendu Bruno Collet, mais Père Legrandjean, c'est quelqu'un de passionnant, comme de parler de son travail, on va dire. Voilà, il sera là effectivement au début pour présenter le film avec Juliette Crochu, et ils resteront tous les deux à la fin de la séance pour discuter du film. La séance aura lieu dimanche 18 octobre à 11h au cinéma du Panthéon. Et donc, on accueillera les spectateurs à partir de 10h30 avec un petit déjeuner. Waouh, classe. Ce qui est intéressant avec Pierre Legrandjean, je trouve, c'est qu'il développe une œuvre qui est tournée vers l'enfance, plutôt des films pour enfants, mais une vraie œuvre d'auteur, ce qui est assez rare, finalement. Oui. Avec des thèmes qui peuvent être difficiles, entre guillemets, enfin des choses qu'on n'aborde pas forcément et qui fait avec une vraie tendresse. Il y a un petit quelque chose d'ailleurs par rapport à Adam Elliott. Oui, il y a toujours quelque chose de troublant dans ces films, je trouve. Il y a quelque chose d'assez fort au niveau de l'enfance, en effet. Merci Olivier. Ensuite, il sera là. J'allais dire plus classique, la cinéma L'Archipel le 21 octobre, Prince et Princesse. À 11h. Mais Michel Osso sera dans la salle. Voilà, en fait, il viendra à la fin de la séance, parce qu'il préfère effectivement discuter après le film plutôt que d'en parler avant. Voilà, donc il sera vers midi 10, la fin du film. Michel Osso qui avait été invité il y a l'année dernière. D'accord. Bien, Juliette suit, si c'est bien. À 14h, donc le mercredi 21 octobre, Piano Forest, un film que je trouve très joli, un film japonais, très ado, mais avec des grandes problématiques ado, qu'est-ce qu'on fera plus tard, etc., mais que je trouve assez joli. Ensuite, samedi 24 octobre, Coraline, présenté par moi. Oui, samedi 24 à 18h. Mais c'est pas pour ça que Anne est là, hein, soyons clairs. Ah oui, c'est pas du tout. Je me suis rendu compte en imprimant la liste qu'en fait c'était pour les cinémas des Monts Parisiens que je faisais ces présentations. Donc c'est samedi 24 à 18h au studio des Ursulines. Qui est l'un des studios l'un des cinémas parisiens qui passe le plus d'animation. Oui, qui est vraiment une salle qui travaille. Je sais pas s'ils passent toujours Totoro, ils ont passé Totoro pendant. Ah oui, ils passent tout le temps. Je crois qu'il appelle le squatter indélogeable. Oui, parce que c'est vraiment là qu'ils l'ont passé depuis. C'est une belle salle en plus. C'est une belle salle. Pour ceux qui ne connaissent pas. Juste vers les. En haut, donc vers Luxembourg, très belle salle. Ensuite, dimanche 25 octobre. À 11h. Re-Caroline, mais là, en relief. Attention. Donc, à voir absolument. Si vous avez le choix, vous venez le voir le 24 octobre pour voir Coraline, pour voir la salle aussi et pour voir le film. Et ensuite, vous le revoyez pour l'histoire. Et puis, vous le revoyez parce que le relief apporte vraiment quelque chose dans Coraline. Ça joue vraiment. Encore avec Alexis, alors ? Et c'est encore avec Alexis. Encore avec Alexis, c'est incroyable. Non, mais ce type, il est un peu partout. Enfin, pas assez quand même. Donc, pardon, on s'égare. Dimanche 25 octobre, Le Serpent Blanc. À 11h au cinéma L'Escurial. Ouais. Pareil, superbe salle, L'Escurial. Je sais pas si, enfin, moi c'est là où j'ai vu plein de choses il y a longtemps, mais je crois qu'elle a dû être refaite ou quoi, mais c'est l'une des salles mythiques aussi de Paris qui tient. Il y en a de moins en moins qui tiennent, donc il faut en profiter. Donc Le Serpent Blanc, film là aussi mythique, japonais. Alors ça c'est pas mal, il y aura quelque chose en plus sur cette séance-là. Oui, il sera présenté par Zara Bourimi de l'association Animtique. Et la séance sera suivie d'un petit atelier autour des jeux optiques qu'elle animera. Voilà. Optique. Optique. Et non pas les petits épileptiques, quand j'avais dit tout à l'heure. Hors micro. Hors direct. Ça c'est intéressant. On va en parler ensuite avec Juliette, mais c'est vrai que c'est vraiment le moment, la fête, pour faire tout ce qui est atelier, tout ce qui est un petit peu découverte, un peu plus technique et pratique. Ah, pas technique, mais pratique. Voilà. Ouais, parce que c'est toujours, même si les animateurs le savent bien, que c'est pas si magique que ça quand on passe 6 mois pour faire un film, mais il y a quand même ce côté magique finalement de voir ensuite tout s'animer sur l'écran. Donc c'est vraiment l'un des points. En plus, on va dire que peut amener la fête. Ensuite, nous avons L'Enfant au Grelot, le lundi 26 octobre, 14h, au cinéma d'Enfer, présenté par Juliette Crochu. Alors, tu peux nous faire juste qu'est-ce que tu vas dire, le début de ta présentation. Bah, je pense que je commencerai par... Bonjour. Bonjour. C'est sûr. Très important. Très, très important. Non, peut-être introduire en quelques mots... expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est le cinéma d'animation, puisque... Il y aura peut-être des jeunes spectateurs qui ne connaissent pas encore cet art. Peut-être aussi créer une atmosphère de confiance, parce qu'il y a peut-être aussi des très jeunes spectateurs qui viennent pour la première fois au cinéma. Et puis après, bah, peut-être leur expliquer en deux mots l'histoire, mais pas trop en dire avant le film. Voilà, leur laisser la surprise. Surtout que l'enfant grelot, c'est un programme de court-métrage, en fait. Deux. Des studios Folimage. Et on expliquera pourquoi c'est si important dans 10 minutes, pourquoi les studios Folimage. Et on finit toute cette programmation, donc, qui, je rappelle, commence le 14, qui est le 26. 14, c'est un petit peu avant le. Oui, c'est un petit peu avant. C'est... non, mais cette année, en fait, on a décalé un petit peu les dates de la fête. Elle ne commence pas vraiment sur deux semaines cinématographiques, puisqu'elle commence un vendredi. D'accord. Donc, il y a pas mal de salles qui vont faire un petit. Un avant-goût de la fête à partir du 14. Ouais, c'est voilà. Pas plus mal. Ce qui est très bien. On finira par faire un mois cette fête, vous allez voir. On pourrait même faire l'année. Ça serait pas mal. Non, mais ça paraît dû un peu. Non, si, 16-31, c'était toujours quand même. 15, toujours 15 jours. Jours. Mmh. Pas toujours. Donc, comme on rappelait tout à l'heure, c'était. Depuis quelques temps, en tout cas. Parce que la première était de. 3 jours. Waouh. C'est pas mal. Et donc, lundi 26 octobre, 14h, Prince et Princesse, cette fois-ci sans Michel Oslo, mais avec un goûter. Voilà, au cinéma donc, on choisit, en fait. Si on veut le goûter, ouais. Michel Oslo, on y va. Exactement. Si on veut Michel Oslo. J'aurais juste rappelé que, effectivement, tous ces ateliers et ciné-goûter sont. Sont gratuits. Voilà, évidemment, il y a la place de cinéma à 5 euros. Voilà. 5 euros en plus. 5 euros, c'est vraiment... Même l'avant-première, tout. Toutes les séances sont à 5 euros. Même Coraline en relief ? Ah non, effectivement. Le relief, il y a 2 euros supplémentaires pour les lunettes. Pour les lunettes, c'est ça. Ça fait la place à 7 euros. Ce qui reste relativement bon. Enfin, oui, ce qui reste net par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a tout un... Le relief étant de plus en plus important, il y a tout un... Il faut savoir que les... le distributeur paye, ou alors les salles, ou etc. Il y a tout un... qui doit supporter finalement aujourd'hui. Et je sais qu'aux États-Unis, qui est là encore, le relief, c'est le plus développé. Il y a vraiment des grandes discussions en ce moment sur à savoir qui prend en charge le plus finalement les reliefs. Est-ce que ça va être le distributeur? Est-ce que ça va être le producteur? Est-ce que ça doit être les salles? Parce que c'est vrai, quand vous arrivez, que ça coûte déjà 12 euros la place, et qu'en plus, on dit qu'il faut rajouter 2, voire 3 euros pour les lunettes en relief, même si c'est un beau spectacle, 15 euros... encore là, c'est vraiment le minimum, il faut savoir plus. Donc, ok, donc c'est plutôt bien. Est-ce qu'on peut juste parler pendant la fête de l'animation? C'est bien, c'est très très bien. Mmh. Est-ce qu'on peut parler juste rapidement? C'est pas une question piège, promis. toute l'année de ce qui se passe en cinéma d'animation pure. Est-ce qu'il y a c'est des rendez-vous qui sont assez fixes quand même dans certains cinémas, le d'enfer, des choses comme ça? C'est-à-dire que c'est les mercredis, c'est les week-ends. On est sûr d'avoir quasiment tout le temps un film pour le jeune public, on va dire. Pas tout le temps d'animation, comme tu l'as dit, mais quand même assez souvent. Donc c'est quoi? C'est des rendez-vous Alors, pour l'Enfance de l'Art et les 11 salles qui participent, il y en aura 12 bientôt. Il y aura le cinéma La Pagode qui nous rejoint au mois de décembre. Donc il y aura des séances tous les mercredis, le samedi et les dimanches. Sur certaines salles, c'est uniquement le mercredi. Et sinon, effectivement, il y a des séances rajoutées pendant les vacances scolaires. En tout cas, sur toutes les salles, voilà. Vous pouvez être sûr que le mercredi, le samedi ou le dimanche, il y a des séances prévues. Il y a des séances pour le jeune public dans des super belles salles. Parce que voilà, exactement. C'est toutes encore les salles. Une belle salle. Parfait. Est-ce qu'on peut dire... est-ce qu'il y a, parce que je sais qu'il y en a un, il y a un site internet. Oui, donc notre site internet donc des cinémas indépendants parisiens, c'est cinep.org, www.cinep.org. Donc voilà. On le redit une fois. Donc www.cinep.org. Et donc là, il y a voilà, dans toute la programmation. Hein. Voilà, sur la rubrique Enfance de l'art, vous trouvez toute la programmation en cours. Voilà, sur toutes les salles qui participent. Et s'il y a des profs qui nous écoutent et qui veulent, il y a collège aussi. Sur le site, il y a oui, ça. Oui, bien sûr. Y a bien sûr. Collège au cinéma, lycéens apprentis au cinéma. Et il y a aussi les rendez-vous des cinémas indépendants parisiens. C'est des séances qu'on peut organiser pour les établissements scolaires. Voilà, tout est inscrit sur le site. Parfait. Voilà, nos téléphones, nos emails, tout. Voilà. C'est important, que tu disais, tu entends parler tout à l'heure, d'avoir des réseaux. Il n'y en a qu'à Paris, des réseaux sur lesquels on parlera après des coordinateurs, des choses comme ça qui sont en région. Il n'y en a qu'à Paris ou il y a d'autres régions comme ça? Non, dans toutes les régions, il y a des réseaux de salles. Après, les associations qui gèrent ces réseaux de salles ont des moyens et des actions différentes. En Ile-de-France, les Hauts-de-Seine et la Seine-et-Marne n'ont pas d'association de salles de cinéma, mais sinon tous les autres en ont. Et après, en région, c'est pareil. Il existe et des associations régionales de salles et des associations départementales. Et donc, cette année, dans la fête, on va collaborer voilà, avec différents réseaux qui, en fait, maillent le territoire. Donc, pour faire des circulations de programmes, de films, d'intervenants, c'est vrai que ça facilite énormément le travail sur le terrain. Et ça, c'est pendant la fête? Et non, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Oui, oui, oui. C'est juste que pendant la fête, ils décident de pendant deux semaines de faire un focus sur le cinéma d'animation. Pour certains, pas tous. Hein, c'est la fête. De toute façon, c'est repose sur les initiatives locales, les envies des programmateurs. Donc, nous, on n'oblige personne à participer. On encourage les initiatives et on essaye de de mettre à disposition, de négocier avec des distributeurs, des diffuseurs. De différentes origines, on va dire, pour permettre de montrer tout style d'animation. Et je sais qu'à une époque, mais c'est toujours le cas, je sais qu'Olivier t'en avait parlé ici même à ce micro, Juliette avait dû en parler l'année dernière aussi, c'était aussi la possibilité, si une salle veut faire une thématique par exemple, d'appeler l'AFCA et de dire, bah, tiens, j'aimerais faire thématique cuisine, qu'est-ce que vous avez comme court-métrage sur la cuisine? Exactement, oui, on le fait au cas par cas et on travaille aussi avec des... L'agence du court-métrage par exemple, qui propose chaque année 3 à 5 programmes déjà thématiques, adaptés à différentes tranches d'âge. Et cette année, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Les programmes de l'agence vont être vus dans différentes régions. Donc ça, c'est un point très positif parce que ça permet aussi de montrer du court-métrage. Ça, c'est... Avant de faire... c'est le même plus important. Avant de faire une petite pause musicale, la question qu'on a posée hors micro tout à l'heure, qu'il fallait surtout pas poser, mais qu'évidemment qu'on va poser. Tous les trois, à quoi elle sert cette fête du cinéma d'animation? Chacun peut répondre, je ne sais pas, Olivier, Anne, Juliette, vous pouvez répondre chacun à votre tour. Non, mais on en parlait parce qu'évidemment, c'est toujours le vieux problème et le vieux débat. Est-ce que l'animation, le fait de faire une fête, est-ce que justement ça marginalise pas? Ou au contraire, est-ce que ça permet d'en montrer le plus possible? Je ne sais pas, Juliette. Non, je ne sais pas, c'est... je pense qu'il faut peut-être aussi revenir à l'origine de la manifestation, puisque quand elle a été créée en 2002, je pense qu'il y avait... pas autant de promotion et de communication autour de, du cinéma d'animation. Et donc l'idée, c'était justement d'organiser un événement unique pour montrer l'animation. Alors maintenant, la donne a un petit peu changé puisqu'on est... quand on voit tout ce qui est distribué, programmé cet automne, c'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui à quoi sert la fête. Mais je pense qu'elle a encore un sens pour... puisqu'elle permet quand même... la rencontre avec les créateurs dans un temps donné. Donc ça, c'est une spécificité de la fête. Et peut-être que ça peut être ça. Ouais, oui, je pense Olivier. Un moment de découverte, vraiment. C'est vrai que ce n'est pas simplement voir des films, c'est voir les films dans un contexte, avec souvent des réalisateurs, des ateliers, des expositions. Donc il y a un aspect incitatif, on va dire, qui fait que parfois les premières rencontres avec l'animation peuvent se produire là. C'est un peu ça. Le but de l'opération, c'est pas simplement pour les passionnés de films d'animation qui en ont un peu plus à ce moment-là, mais d'où l'importance pour la fête d'investir des lieux qui sont pas des lieux consacrés au cinéma d'animation habituellement, et qu'à un moment, je suis en train de retrouver mon discours d'avancer marrant. Et voilà. Et donc, il y a cet aspect amener le cinéma d'animation à des publics qui connaissent pas et faire des liens avec d'autres formes artistiques aussi. Et donc, voilà, ouvrir un petit peu les horizons du film d'animation. Je crois que c'est un peu ça, le sens essentiel de la fête. Enfin, pour moi, en tout cas. Et donc, Anne, par exemple, ce que je dis dans les diaries de Juliette, dans le dossier de presse de la fête, qui dit « La fête est bien identifiée auprès des distributeurs de films. » Est-ce que c'est aussi au niveau des salles? Est-ce qu'une fête comme ça, ça peut d'un seul coup leur faire, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être un peu plus de publicité, il y a un peu plus de médias, on en parlera, mais qui s'intéressent à la fête. Est-ce que là, d'un seul coup, ils se disent donc on va en faire un petit peu plus, sachant que là, c'est les salles qui en font déjà, de toute façon, pas mal pendant l'année. Est-ce que toi, tu penses qu'une fête, ça peut servir à ça, justement? Bah, j'ai l'impression qu'à Paris, c'est toujours un petit peu compliqué puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de salles, beaucoup de films qui sortent tout le temps, ça change tout le temps. Dès qu'on veut voir un film, il ne passe déjà plus au bout d'une semaine. Donc après, effectivement, ça permet, je pense surtout, là, pour certaines salles, de créer des événements, de faire venir, d'offrir quelque chose d'autre au public et aussi de les faire venir certains qui ne seraient pas venus autrement parce qu'il y a un réalisateur, parce qu'il y a un atelier. Après, je ne sais pas si ça les incite plus. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a de plus en plus chaque année investis sur ce projet et sur la fête de l'animation. Bon, merci. On va après parler vraiment du programme et de ce qu'on pourra avoir pendant cette fête d'animation. Et là, comme d'habitude, je me retourne avec Olivier et je dis, la prochaine, qui normalement... Il y a combien de morceaux sur le CD, tu sais pas? C'est pas... 6, je crois. 6, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on en a déjà eu 3. Donc, c'est-à-dire que normalement, si je dis pas de bêtises, on devrait avoir un extrait de la bande... sonore, pas original, hein, parce que vous allez même entendre des voix, de, Beyond, de Genius Party Beyond, qui est un film omnibus, comme on appelle ça, japonais, qui est passé à Annecy pour ceux les plus chanceux qui ont pu le voir, qui est sorti en DVD au Japon, qui est assez étonnant, du studio 4 degrés C, qui notamment a fait Mind Game, pour ceux qui connaissent bien, et Amer Béton, qui est sorti en salle, donc qui est un peu plus connu. Et donc là, c'est directement tiré du film en lui-même, donc vous allez même entendre des voix, et c'est un extrait de Dimension Bomb, mon anglais a du mal aujourd'hui, de Koji Morimoto. Très très beau, c'est le dernier passage qui fait une vingtaine de minutes, qui est absolument sublime. Et on va juste écouter, non, Nicolas qui me regarde, il dit 20 minutes. Non, on est juste 4 minutes, c'est juste un extrait de cette bande sonore. On écoute. アイスクリームの天ぷら好き。 近い、そんな簡単なことじゃなくてですね。あ、あれなんだ。例えばね、草原に蝶々が飛んでたとしましょうか。 例えばね、草原に蝶々が飛んでたとしましょうか。私は蝶々を捕まえたいと思うのよ。 Continue encore après. Donc, c'était un extrait de la bande sonore, la bande de... sonore donc de Genius Party Beyond. Et c'était le sketch de Koji Morimoto, le dernier sketch absolument superbe que, dont je vous disais. Je crois que la musique est de Juno Reactor, DJ, je crois, anglais. Voilà. la fête du cinéma d'animation, puisqu'on est bien à Bulle de Rêve, émission 100% animation sur Radio Libertaire, la seule au monde. Juliette, la seule au monde, tu vas nous dire qui est l'invité cette année, car la fête de l'animation, il y a toujours un invité. Et cette année, il y a quelque chose de différent. Voilà, cette année, on a changé un petit peu la formule. On n'a pas invité une personne, mais un studio, le studio Folimage. C'est dur à déplacer. Ouais. Voilà, ce qui permet de multiplier un peu les interventions, à la fois de réalisateurs, mais aussi de techniciens, animateurs, chefs décorateurs, responsables du son, etc. Enfin, voilà. Donc c'est quoi le studio Folimage? Qui ne connaît pas le studio Folimage? Bah, plein de gens. Donc on t'écoute pour le studio Folimage. Donc c'est un studio qui est né il y a 30 ans maintenant, voilà, fondé par Jacques-Rémy Girard et Pascal Lenôtre, si je ne me trompe pas. Voilà, qui est installé donc à Valence et qui a développé de... Il est là, il est prêt à bondir, fauve. Et qui depuis 30 ans en fait a développé une politique de production résolument tournée vers les auteurs, qui est à la fois une production de séries, de courts-métrages et de longs-métrages maintenant. Voilà, qui a aussi créé une résidence d'artistes, voilà, la résidence Folimage, et qui aussi a, dans les dernières années, a développé, enfin, a créé une école, la Poudrière, et une association qui est tournée vers tout ce qui est pédagogie autour du cinéma d'animation, qui s'appelle l'Équipé. Voilà, donc un espèce de gros pôle. Qui a changé en plus cette année, ouais. Qui se retrouve vraiment dans les mêmes locaux, enfin tout le monde. Et, voilà, ils se sont installés, c'était en juin, non ? Oui, juin, à Bourg-les-Valence, dans un lieu qui s'appelle la Cartoucherie, avec neuf structures réunies. Oui, il n'y a pas que Folimage. Non, il n'y a pas que Folimage, il y a des studios, ouais, des productions. Des gens comme Timto, les films du Nord qui sont venus un peu au Sud, enfin, d'autres aussi. Ouais, ils ont créé une sorte de pôle dédié à l'image animée. Folimage sont plus connus quand même pour la plupart des gens pour deux longs métrages, La Prophétie des Grenouilles et Miel Migou de Jacques-Rémy Girard. C'est vraiment les deux plus grosses. Ouais. Les plus grosses. Mais il y a eu des belles réussites aussi. Hein. Je crois qu'il y avait des programmes de courts-métrages qui ont réuni beaucoup, beaucoup de monde en salle, hein, qui faisaient des... Je ne sais pas quels étaient les chiffres, mais qui étaient assez importants. Ben, l'enfant grelot, le programme de l'enfant grelot a bien marché, hein, par exemple. Ouais. C'est ça, donc il y avait beaucoup. Donc ça a paru évident qu'il fallait changer en studio. Il n'y avait plus de réalisateurs assez importants à inviter à la fête. Non, mais c'est vrai que l'année dernière, on a invité Michel Oslo, qui est quand même... une personnalité très importante. Voilà, donc on s'est dit, et puis quand même, ce qu'il faut dire, c'est que quand on invite une seule personne, il y a beaucoup de demandes, disons, oui. À l'occasion de la fête, d'inviter la personne, l'invité d'honneur, en fait. Parce qu'il y a d'autres réalisateurs hein, qui se déplacent pendant la fête, mais c'est vrai que quand on dit... Michel Oslo est invité d'honneur, tout le monde veut l'inviter. J'exagère un petit peu, mais... Déjà qu'avant, donc, quand il n'était pas invité d'honneur, voilà. Tout le monde voulait l'inviter. Donc, du coup, il n'est pas se démultiplier. Tout le monde veut m'inviter. Voilà. Donc, on s'est dit, cette année, on va essayer de changer la formule pour permettre en fait, à plusieurs régions, plusieurs coordinateurs et un plus grand nombre de lieux de pouvoir inviter différentes personnes. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Marianne Max, comme Coraline, avait été Grand Prix du festival d'Annecy ex aequo cette année. Voilà, puisqu'en fait, c'était juste pour dire ça, parce que c'est marqué dans le dossier de presse. Et donc, pour revenir au studio, en invitant le studio, l'idée, c'était aussi de mettre en valeur un peu tout leur catalogue, à la fois le court-métrage, le long-métrage, et de permettre d'inviter des réalisateurs qui ont travaillé sur différentes productions. Tu multiplier les propositions. J'ai des cornes là, qui commencent à pousser. Est-ce qu'ils en ont besoin ? Parce que ça marchait bien que ça ? Là, on arrive un peu à une date anniversaire. Ils vont fêter leurs 30 ans. Donc, c'était... Voilà. Oui, donc c'était aussi pour mettre un coup de projecteur. Exactement. sur sûrement Olivier, ce qui est le plus gros studio en France d'animation actuelle. Oui, en tout cas, c'est certainement le plus connu internationalement. Moi, j'ai un souvenir, je vais raconter un souvenir. Le moment de tonton Olivier. Le moment de tonton Olivier, ça fait quelques années, en 2003, quelque chose comme ça, et j'étais en Uruguay. J'étais un jury, un festival en Uruguay, et j'étais dans une salle où donc étaient montrés les films en compétition, et à un moment, donc il y avait plein de gamins dans la salle, c'était un festival jeune public, et à un moment, on voit le logo Folimage, et là, j'entends un murmure dans la salle. Wow. Ils reconnaissaient, ils étaient excités à l'avance, savoir c'est un film de folle image. C'était, ça m'a vraiment marqué. Incroyable. Et c'est là que je me suis rendu compte de la notoriété que pouvait avoir le studio à l'étranger, quoi. Oui, parce qu'il y a autant. C'est vrai que c'est un studio qui très rapidement a fait autant des courts-métrages, a fait des courts-métrages certes connus, mais s'est lancé aussi dans des séries, Hôpital Hilltop, en plus des productions, des coproductions avec l'étranger, notamment l'Angleterre, donc qui avait une certaine qualité. Encore à l'époque, c'est-à-dire qu'ils essayaient de garder dans les séries télé une certaine la qualité qu'il y avait dans les courts-métrages. Il y a toujours beaucoup d'innovation finalement. En tout cas à l'époque, on pourrait se poser la question aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, il est évident qu'il y a que moi là et Olivier et Juliette. C'est ça qui est bien, l'image est tellement grand que moi je dis ça et Olivier et Juliette qui sont là et qui sont poussés du micro. Vous les avez pas vus, mais c'était vraiment pas mal. Bon, Juliette encore plus, Olivier à la rigueur il est un peu plus maintenant, mais Juliette elle a fait qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi. T'as vu Mille Migou quand même, Juliette? Non. Bien sûr. C'est pas très bon. Je ne répondrai pas à cette question. D'accord. Elle commence à apprendre bien la langue de bois comme toi, Olivier, à une époque, hein, c'est pas mal. Donc Folle Image, donc l'un des plus beaux studios, c'est vrai, quand même, en France, avec énormément de choses. Ils sont d'ailleurs sur une adaptation d'une série, la Ariole, qui peut être assez sympa, dont on voit quelques images sur leur site. Il y a pas mal, il y a des longs métrages en préparation, dont Une Vie de Chat. On va en parler, mais c'est vrai que c'est. Sauf qu'après un studio, qu'est-ce qu'on peut inviter l'année d'après? On y réfléchit. Un pays? Je sais pas. Non, plutôt. Non, on veut vraiment rester centré sur des. Pourquoi pas un pays? C'est trop lourd, Olivier. Pourquoi pas un pays? Parce que ça veut dire qu'on aurait dans cette match. Parce que si on compte faire un pays l'année suivante, un autre pays, je sais pas. Ah, après, c'est un continent, après, c'est la Terre. Non, on peut. Ça pourrait, a priori, mais ça demande une organisation. Ça peut pas être un trop gros pays d'animation, je pense. Il y en a un de vous qui a oublié. Éteindre son portable. C'est pas moi. Donc, vas-y, Olivier. Oui, l'important, c'est de faire un éclairage sur quelque chose. Alors, effectivement, on a souvent. Au début, on a choisi une personnalité de l'animation parce que c'était plus facile. Plus visible, plus palpable, on va dire, notamment pour la presse. Mais je pense que, enfin, je sais pas, c'est à Juliette de décider ça, et à l'AFCA derrière elle. Moi, ça me choquerait pas, en tout cas. Oui, parce que ça pourrait être intéressant d'avoir la Belgique, par exemple, invité, d'avoir des gens aussi, Patara Aubier, Panique au Village, que Raoul Servet, enfin, d'avoir d'un seul coup une vision assez globale. Ça n'empêcherait pas, je pense, l'année d'après, de pouvoir dire, on revient à un réalisateur, ou on revient, ça dépend du... Je pense que l'année prochaine, on sera de toute façon résolument tourné vers l'international, parce qu'on fêtera les 50 ans de la CIFA, l'Association internationale du film d'animation, qui est à l'origine de la journée mondiale du film d'animation, le 28 octobre. Voilà, qui est à l'origine c'est de la fête du cinéma d'animation. Il faut le placer. C'est pas un truc qu'il fallait placer à un moment donné. C'est très compliqué. Moi, j'ai fait pendant des années. À chaque fois, placer ça, c'est pas facile. Pourtant, normalement, vous le savez, ça fait plusieurs fois qu'on les invite. Je les invite pour qu'ils parlent du film d'animation. Et à chaque fois, il faut qu'ils nous ressortent le 28 octobre 1992, fierté française, blablabla. Soi-disant de la première projection. Alors que ça se trouve, il y en avait déjà une aux États-Unis trois jours avant. Attention. Mais bon, voilà. Ouais. Mais c'est pas grave. Donc, 28 octobre. Voilà, donc, du coup, l'année prochaine, on fête les 50 ans de la CIFA. Et donc, dans ce cadre, je pense que la fête sera tournée vers l'international. Je ne sais pas encore qui on invitera. Ce sera une personne, un studio, ou peut-être qu'on s'intéressera à une technique. Je ne sais pas. On verra. Voilà, on sait parce qu'elle nous l'a dit, mais on ne vous le dira pas. Non, non. Mais ça ne va pas. C'est quoi? Donc, en plus, ce n'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'on ne vous le dit pas. Donc, ensuite, on aura... Juliette qui a du mal, là, qui tient avec les deux gogos, Olivier, Alexis, c'est pas vrai, la pauvre. On va voir, oui, parce qu'il y a deux longs métrages en production. Il y a Une Vie de Chat, d'Alain Gagnel et Jean-Louis Felicioli, qui devrait être quasiment terminé. Il est marqué sur les écrans début 2011. Ça me paraît loin, parce qu'il me semblait qu'il était quasiment terminé. Donc, en cours, oui, mais terminé. Mais non, bon. Et Tantilda. On en saura plus le 20 octobre, je pense. Parce qu'il vient nous faire des images. Alors justement, on va voilà. Finir par rapport à Folle Image, justement. Et Tantilda pour 2014, qui est le nouveau film de Jacques-Rémy Gérard. Donc plein de gens qui vont venir. Pierre-Luc Grangeon. Alors Pierre-Luc est un peu... Alors Pierre-Luc est un peu sous... Paris-Bretagne, Pays de Loire. Il est sous les feux des projecteurs parce qu'il faut savoir que le 21 octobre sort le programme 4-5-6 Mélie Pain d'épices. Qui comprend donc le film Le Printemps de Mélie, réalisé par Pierre-Luc Grangeon. Donc ce programme va être présenté en avant-première, en gros, du 14 au 21 octobre, notamment dans le réseau des cinémas indépendants parisiens. Enfin, il y a une date. Et ensuite, il sera donc présenté en sortie nationale. Et donc, Pierre-Luc va accompagner la sortie de ce programme donc en Île-de-France, en Aquitaine, en Pays de la Loire et en Bretagne. Voilà. Et il va aussi présenter un programme de ses courts-métrages. Dans le Val d'Oise, il faut que je le dise, parce qu'il y a Yves Bouvray qui vient souvent, et j'étais avec lui, c'est vrai. Voilà. Le 16 octobre. Faut le dire, Pierre-Luc Grand. Vendredi 16 octobre. Oui, puis il n'est pas commode, Yves, alors si tu le dis pas. Ah, c'est pour ça, c'est des choses qui... obligé. Yves Bouvray, Olivier Catherin, c'est les deux personnes comme ça en animation. Il faut toujours les citer de temps à autre. Un peu de Jean-Claude Brialy et de l'animation. Benoît Razi, Jacques-Rémy Gérard, donc voilà. Pascal Lenôtre, Gaël Brizou, Jean-Louis Felice, Alain Gagnol. On a donc 6 personnes, c'est ça ? 7 ? Oui. De Folle Image, hein, c'est ça qui viennent. Donc en effet, ça permet finalement d'avoir, comme tu disais, un studio, d'avoir plus de séances accompagnées par des réalisateurs, voilà, des techniciens, etc. Ça permet d'avoir sachant que Benoît Razi et Gaël Brizou vont pas seulement intervenir sur des séances où ils vont présenter les films, ils vont présenter des ateliers interactifs, en fait, enfin des démonstrations interactives où ils vont expliquer un peu comment ils ont fabriqué les films, notamment autour de Mia Emile Gou. D'accord. Voilà. Donc plein de choses intéressantes. Et pour finir sur passage de Folle Image, le mardi 20 octobre à 19h, Forme des images, carte blanche à Alain Gagnol et Jean-Louis Felicioli. Bah, tu nous en parles un petit peu ? Oui. Qui sont déjà Alain Gagnol et Jean-Louis Felicioli ? Bon, ils sont de Folle Image, voilà, ça, sans doute. Ils ont réalisé un certain nombre de courts-métrages. Alors, attends. Je ne connais pas la liste par cœur, bien sûr. Bravo. Non, ils ont réalisé une magnifique... Donc, voilà. Moi, mon préféré, qui est Le Couloir, donc avec cette phrase tirée d'un conte asiatique, enfin ils disent à des asiatiques en disant que de l'ennui naît la... Et voilà, évidemment, quand fait une citation et quand c'est pas la fin de la phrase, on est vraiment nul. Donc ils ont réalisé pas mal merci de... Merci Juliette d'essayer de continuer. J'étais très fort, vous avez remarqué plus tard, j'essaye, mais Juliette a son dévoilé dans la tête et elle ne s'arrête pas. Vas-y, je vais essayer de retrouver ma phrase. Non, ils ont réalisé... De l'ennui naît la fascination, excuse-moi. Voilà, très très beau. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, je t'en prie. C'est moi. Non, ils ont travaillé en duo, en fait, sur une série de courts-métrages, des tragédies minuscules. Voilà, et du coup, là, ils réalisent aussi... Enfin, ils ont fait d'autres choses, hein, chacun de leur côté. Ils sont tous les deux animateurs, réalisateurs, voilà, plasticiens. Mais donc, ils ont réalisé une série de courts-métrages. Et là, ensemble, ils réalisent donc le nouveau long-métrage du studio Folle Image. Qui s'appelle... Et donc, Une vie de chat. Une vie de chat, ouais. Et donc, ils seront présents tous les deux au Forum des images. Donc, il y a deux séances. Comme toujours, c'est dans l'idée de la séance d'Isabelle Vanini, en fait, qu'elle organise au Forum des images avec un réalisateur qui vient tout d'abord présenter les films qui l'ont inspiré. Et en deuxième partie, ces films à lui et qui explique, en fait, pourquoi, même à la rigueur, pourquoi il a choisi les premiers, en quoi ça l'a inspiré, ce genre de choses. Très, très bonne séance. Est-ce que c'est ça ? Ou pas ? C'est ça. C'est ça, hein, c'est bien. Et donc, c'est parce qu'il y a Bokanovski aussi, mais c'est pas du tout non, dans ça, cette... Non, ça, Bokanovski, c'est le 27 octobre. Ah ouais, donc c'est le 27 c'est octobre. C'est la semaine suivante. Ok, merci. Le jour de l'état des lieux. Ok. Il y a tellement tu de choses... Tu vois, j'ai révisé mon planning. Mais bravo, mais il y a tellement de choses que c'est normal et ce sera où ? Au Forum des images. Toujours. Ouais. Okay. Ouais, cette année, le Forum des images est un des lieux les plus impliqués dans la fête sur Paris. C'est aussi l'un des lieux, c'est vrai... Parce comme ça, patrimonial, enfin, donc, qui fait beaucoup pour l'animation. Oui, et puis qui a toujours participé à la fête, mais il y a eu cette fermeture, donc c'est vrai qu'ils ont été un peu frustrés, donc ils rattrapent là. En faisant plein de choses. Alors, l'animathèque, quand même, on va. Parce qu'en fait, c'est l'animathèque, hein. Tu m'as fait dire n'importe quoi. Ce dont je parle d'Isabelle Bogdanovski, c'est plus tard. Et en fait, Folle Image, le 20, c'est l'animathèque. Voilà. Oui, la fameuse animathèque. J'ai dit n'importe quoi. Et on a donné les bonnes dates quand plutôt, même. Plutôt que de me taire, donc voilà, donc je suis désolé. Rectification. L'animathèque est le 28. Ah il bon. A dit animathèque. Bah, oui. Donc vous venez d'entendre la dernière émission d'Alexis Hino à la tête de Bulle de Rêve. Je crois que je vais devoir arrêter maintenant. Vous êtes un peu confus. Donc le 20 octobre, Alain Gagnol et Jean-Louis Felicioli au Forum des images. Le 27, Bokanovski. Et le 28, l'animathèque avec Jacques-Rémy Girard. La journée mondiale. La journée mondiale du film d'animation. Donc qu'est-ce qu'on va voir le 20 ? Alain Gagnol et Jean-Louis Felicioli. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont nous montrer ? Ils vont nous montrer une les films à eux uniquement. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura dans cette carte blanche ? Et je ne sais pas. Ah, surprise. D'accord, on ne sait toujours pas, c'est ça. C'est pour l'instant, ça sera les films qu'eux vont choisir. Exactement. Et sûrement je suis désolée, des extraits. Vraiment, de... c'est ma rentrée difficile. Et sûrement des films surprises. Parfait. Le 28, pour rester dans Folle Image, on reviendra sur Bokanovski après. Il y a donc coup de projecteur à l'animathèque sur Folle Image, là, complet. avec deux films de La Poudrière. Là, on sait quels films sont présentés. Il y aura donc, ça sera Jacques Rémy Gérard qui sera là. Oui, c'est ça. Donc, deux films de La Poudrière, qui est l'école. Oui. Donc, hein, dont on parlait tout à l'heure, avec La Queue de la Souris, cartoon d'or en plus, et Bouze en train, c'est comme ça qu'on prononce, d'Émilie Sangelin, une comédie musicale assez très drôle. Ensuite, le court-métrage Maison, à Merloc, Le Bûcheron des mots 1831 et Cassa de Sylvie Léonard. Ensuite, La Résidence d'artiste, avec évidemment l'inévitable. Moine et le Poisson du Doc de Witte, La Grande Migration de Tcherenkov, de toute façon c'est que des inévitables, Le Trop Petit Prince de Trofimova, Histoire Tragique avec Fin Heureuse de Regina Pessoa, et bien sûr, on le place aussi parce qu'il faut mettre quand même le film drôle tout le temps, Au Bout du Monde de Constantin Bronzit à la fin, et ensuite ce qu'on a appelé du court au long, donc avec du long métrage, enfin non, des courts-métrages qui ont été faits par des réalisateurs qui sont passés au long ensuite. D'accord. Donc Mauvais Temps d'Alain Gagnol et Jean-Louis Feltrinelli et L'Enfant au Grelot de Jacques-Rémy Girard. Et juste après, un film surprise. Il y a marqué film surprise. Donc si on réfléchit bien, si c'est des gens qui sont passés du court au long, le problème c'est que comme il n'y a personne d'autre qui fait un court, ça veut dire qu'on va avoir un extrait d'un long. Donc on va avoir un extrait d'Une Vie de Chat par exemple. Non. On va voir pas un extrait de Tantilda parce que Tantilda il est pas encore il est même pas encore en production, donc ça paraît bizarre. Olivier, t'as une idée sur ce film surprise? Moi, je suis pas dans le secret de l'AFCA. Et ben justement, venez à l'Animathèque pour découvrir ce film surprise. Ouais, mais est-ce que c'est pas mieux quand le teasing se fait mieux quand on dit ce que c'est finalement? Parce que là, ils ont dit film surprise. Ouais. Non, ça va même être un Vite Chat. Donc ça sera le nouveau film de Jacques-Rémy Girard, Tantilda. Il y a des extraits de Tantilda. Ou un pilote, peut-être. Waouh. Bon, bah non, oui. Dans ce cas-là, il faut venir. Voilà, comme ça, vous n'avez plus. En même temps, juste pour l'anecdote, c'est que nous, on annonce film surprise, mais je crois que si on lit bien le programme du Forum des Images, c'est noté dedans. D'accord. Comme quoi, le Forum des Images pousse plus. C'est dommage, j'aurais bien vu un extrait d'Une Vie de Chat quand même. En tout cas, je préfère les chats. 20 octobre. Il y aura un extrait d'Une Vie de Chat. Ah, ils sont malins, ils mettent des films surprises un peu partout, en fait. Alors. C'est quoi? Ça, c'est vraiment la question parfaite. En plus, qui va prendre ensuite 25 minutes. C'est quoi les temps forts de cette 8e édition? Ouh là là. Je peux la refaire. Juliette, c'est quoi les temps forts de cette 8e édition? Alors. De la Fête internationale du cinéma d'animation. Donc, c'est un peu les grandes tendances de la fête cette année. Les nouveautés et les grandes tendances en termes de programmation et de lieux de diffusion, on va dire. Ouais. Alors, je vais essayer de faire bref, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Dis ce qui est le plus intéressant. Non, cette année, en fait, on a essayé de vraiment travailler en collaboration avec différents partenaires de programmation, donc l'Agence du court-métrage, l'ARFI, qui est un collectif de musiciens qui a créé un ciné-concert autour des films de Folimage, la DRC, l'Agence pour le développement régional du cinéma, qui présente un ciné-concert résolument patrimonial avec les archives françaises du film, qui s'appelle Du Praxinoscope au Cellulo. Qui est donc en fait en rapport avec la grande rétrospective qui avait eu lieu, c'est ça, à la Cinémathèque, il y a maintenant un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et voilà, et donc avec ces différents partenaires, grâce à ces différents partenaires, un certain nombre de programmes ont été proposés aux programmateurs qu'ils souhaitaient. Et donc voilà, il y a 19 dates du ciné-concert de la DRC qui sont programmées partout en France, 4 dates pour le ciné-concert de l'ARFI, Bobine Mélodie, et puis un certain nombre de programmes de court-métrage de l'agence qui circulent. Voilà, ça c'est déjà... D'accord. Je viens de voir, je comprenais pas ce que je voyais à Nîmes, la médiathèque et le centre culturel Carré d'Art participe à la fête, donc visiblement, Nîmes c'est une personne qui est très... Je l'ai rencontré, je crois, justement, à Meknès, c'est quelqu'un qui est très, oui, très... Dominique Millard, elle s'appelle. Ah voilà, ouais. qui est vraiment très... Très, active. Très active. Et je comprenais pas ce que je voyais, à noter aussi, le découvert de court-métrage issu du Festival international du cinéma d'animation de Meknès. Et en effet, c'est parce qu'elle était là. Cette année, c'est quelqu'un qui se bouge beaucoup en ce qui concerne l'animation. Voilà, donc cette année, bon, quasiment toutes les régions sont représentées dans la manifestation. Donc il y a certaines régions, il y a un ou deux événements, et d'autres où c'est pendant 15 jours, une programmation assez riche, des rencontres, des ateliers. Ça dépend vraiment des lieux, quoi. Il y a aussi des ciné-comptines avec Michel Bazinski qui anime des séances assez drôles pour les tout-petits autour des films de Hermina Tirlova. Donc ça va pas mal tourner en Seine-Saint-Denis et aussi donc il y aura une séance en Pays de la Loire. C'est très drôle, très sympa. Voilà. Tu peux nous parler, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Oui, il y a que les centres d'animation à Paris, voilà. Par exemple la Goutte d'Or, va proposer une projection justement de film studio de Folle Image avec Animtic, l'association Animtic qui est visiblement présent sur plusieurs. On peut d'ailleurs en parler un petit peu de l'association Animtic. Et déjà, tu nous parles de ça. Pourquoi d'un seul coup, il y a en effet quelque chose d'autre? C'est ce que disait Olivier tout à l'heure aussi. C'était ne pas être que dans les salles de cinéma, voilà. Essayer d'investir le plus possible tous les lieux culturels, en tout cas. Voilà, essayer de travailler avec tous superposer tous les réseaux en fait de diffusion, donc les médiathèques, les bibliothèques, les salles de cinéma, et là cette année à Paris les centres d'animation. Puisque les centres d'animation à Paris sont situés dans tous les arrondissements. C'est des lieux en fait où passe un certain nombre d'activités qui sont pas forcément tournées vers l'image. Et quand il y a parfois des séances autour de l'image, c'est souvent du cinéma en prise de vue réelle. Donc on avait envie cette année de les initier un peu, les encourager dans cette initiation à l'animation. Et donc, il y a trois centres d'animation qui vont s'investir, qui ont travaillé avec nous pour réfléchir à une programmation accompagnée de l'association Animtic, qui sera donc soit là pour César Abourimi, de l'association, qui sera là pour présenter les films, donc expliquer un peu ce que c'est le cinéma d'animation, ou parfois animer des ateliers à l'issue des séances. Voilà. Donc, est-ce que j'ai une question peut-être pour vous trois, je sais pas. Est-ce que l'animation par rapport à la prise de vue réelle, je peux dire n'importe quoi, vous avez le droit de me le dire. Olivier, surtout Olivier ne gênera pas. Est-ce que ça peut être un lien social presque plus fort dans le sens où la prise de vue réelle va de suite montrer des gens comme nous, et donc on va pouvoir se mettre dans un clan par rapport à telle ou telle personne, même au niveau de la couleur, même au niveau du sexe, enfin de la religion, etc. Est-ce que l'animation ne peut pas avoir justement quelque chose d'un peu plus large, dans le sens où c'est plutôt déjà comme la technique est pâte à modeler, marionnette par exemple, du dessin, même si évidemment il y aura aussi de la couleur, le sexe et des choses comme ça, mais peut-être un peu moins fort. Est-ce que justement il n'y a pas quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, même si ce mot n'est pas très joli, universel, enfin d'un peu plus Olivier? Anne, je sais pas, c'est une question, c'est trop compliqué, enfin trop large, vous me le dites. Voilà, c'est juste une idée, parce que par rapport au centre d'animation, moi souvent quand j'ai des gens qui font les ateliers, je leur dis mais prenez l'animation, parce que par exemple l'animation, si vous dites à un enfant il faut une chaise, il sait qu'il doit amener une chaise tel jour, mais si vous dites il faut dessiner ou construire une chaise grande comme ça parce qu'il faut qu'elle aille avec la marionnette, et si tu l'as pas ce jour-là, Il y a un vrai travail d'équipe qui est très large, on va dire. Beaucoup, presque plus qu'en prise de vue réelle. C'est toujours un travail d'équipe. Et je me dis que là aussi, il y a un lien entre tout le monde et travailler à plusieurs qui est encore plus fort, on va dire, en animation. Et donc, aussi, je me demandais si la représentation pouvait aussi jouer. Bon, alors je me lance. Vas-y, merci. Il y a deux choses différentes, en fait. Il y a la fabrication du film, qui est vrai. La spécificité, c'est que c'est intimiste. C'est des petites équipes et ça demande des compétences très différentes, très complémentaires. C'est pour ça qu'effectivement l'animation est très adaptée à des ateliers pédagogiques. C'est parce qu'on peut avoir des compétences multiples sur un temps relativement long. Et il y a un vrai travail de construction en commun qui se fait. Peut-être davantage que sur un tournage en vue réelle. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, sur l'universalité peut-être de l'animation... peut-être, effectivement, oui. Excuse-moi juste, parce que je pensais, est-ce qu'un film comme Persepolis, qui parle pas iranien, qui a marché, où les personnages n'ont pas l'air, enfin, je sais pas, mes amis iraniens, c'est pas forcément, ils ont le type, mais voilà, mais ils parlent pas encore une fois. Moi, je l'ai vu en français, même ça m'avait un peu choqué sur le coup. Pourtant, voilà, tout le monde s'est reconnu, c'est Daniel Darieux qui fait les voix, enfin, tout le monde a adoré, etc. On n'a peut-être pas... Et ensuite, on a commencé à parler, certes, de l'Iran, mais il y avait un petit peu l'idée de... Voilà, d'un message un petit peu plus fort, un peu plus profond, plus large que juste par rapport à l'Iran. Alors vous allez me dire, mais enfin, je pense que Gandhi, le film d'Attenborough, enfin dans les années 80, c'est la même chose. On a beau voir Gandhi, on peut voir autre chose. Je pensais plus par rapport à des objets, l'idée même de se reconnaître dans un objet, de se reconnaître, de donner une personnalité finalement au micro qui serait devant nous, des choses comme ça, et qui fait qu'on se dit pas il est gros, il est maigre, etc., mais que finalement on lui donne une autre... Il y a une distance avec la réalité dans l'animation. Donc c'est vrai qu'on se reconnaît pas immédiatement dans des personnages qu'on voit, ou des maisons, des rues et tout ça, qui sont beaucoup plus agressifs finalement. Quand c'est dessiné, il y a une distance, et il y a effectivement quelque chose qui est plus proche de peut-être du quotidien de chacun. Voilà. C'est vrai que quand on voit un film, je sais pas, un film indien par exemple, on est plongé dans un univers complètement différent, dans des codes complètement différents, et c'est beaucoup plus difficile à appréhender que quelque chose de dessiné. Finalement. Que quand on voit Printed Rainbow, même si un film indien. Voilà. Même si a priori, c'est vrai qu'on peut avoir aussi dans les films d'animation des codes esthétiques qui peuvent être très différents. C'est pas si vrai malgré tout. Ça peut être davantage dans le court-métrage. Assez rare dans le long-métrage. De ce point de vue-là, oui. Peut-être que c'est pour ça qu'on arrive davantage par l'animation à appréhender certains sujets qui sont plus difficiles aussi. Le documentaire en animation ou des films un peu durs. Vals avec Bachir. Sans animation, ce serait sûrement un film différent. Et Le tombeau des Lucioles sans animation, ce serait insupportable. Ça va être fait. Ils vont faire un film de prise de virus. Je serais curieux de voir ça. Lucioles, parce que c'est un livre. Ouais, ben moi aussi, oui, c'est... Voilà, mais ça va probablement donner un film très dur. Différent de tout. Oui, et puis peut-être très différent aussi. On ne va peut-être pas montrer les mêmes choses ou pas jouer sur les mêmes codes, en tout cas, de toute façon. Donc ça, c'est un débat, ben voilà. Donc on pourra, pourra faire un bon débat pendant une des fêtes. Ok, on continue avec le programme APC. Et juste un petit mot sur l'association Animtique, peut-être. Oui, bien sûr, pardon. Donc c'est l'association dont Bastien Dubois est président. Donc c'est le réalisateur de... Madagascar, carnet de voyage, qui a obtenu un prix Canal Plus. Un prix Canal Plus à Annecy. Il était hors compète à Annecy, qui est nominé au carton. Voilà, ce que ça nominé. C'est qui l'a eu finalement, le carton d'or? C'est le film irlandais là. Comment s'appelle? Le titre m'échappe. Qui était en présent en compétition à Annecy, qui a été primé à Annecy aussi. C'est pas Please Say Something? Oui. Wow. Oui. Please Say Something a eu le carton d'or. Oui. Wow, impressionnant. Please Say Something, faut le regarder, il est trouvable sur... Donc Juliette n'aime pas. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup, mais c'est pas grave, hein, c'est pour ça qu'il est bien. Vous pouvez le voir sur Internet, sur YouTube. Et voilà, assez facilement. Très dérangeant. Et ça, c'est un film qui est très dérangeant, l'histoire de couple entre un souris, un chat, et fait avec une anime très... Très simple, on va dire. Enfin, c'est assez incroyable. Juliette n'aime vraiment pas. Donc, pour revenir à Animtique. Il va absolument changer. C'est incroyable. Et donc, il faut le regarder. Please, say, S-A-Y, something. S'il te plaît, dis quelque chose. David O'Reilly. O-R-E-I-2-L-Y. Très intéressant. C'est lui qui a le carton d'or. Et Madagascar a été nominé quand même. Oui. Bravo pour le carton d'or. Donc, l'association. Voilà, une toute jeune association qui propose des ateliers de cinéma d'animation, d'initiation. Et du coup, cette année, on avait envie d'encourager le développement de cette association. Donc, on l'a associée aux programmations qui sont présentées dans les centres d'animation parisiens et aussi dans les cinémas indépendants parisiens. Voilà. Donc, le Forum des images, Bokanovski. Juliette, Olivier, tu nous parles un peu de... Deux mots de Bokanovski, parce que c'est quand même un monsieur important. C'est un artiste qui a à la limite de plein de mondes, on va dire. C'est à la fois un plasticien, un cinéaste de vue réelle, qui a touché à l'animation, et c'est un univers complètement incroyable. Patrick Bokanovski, c'est vraiment quelqu'un... Si vous ne connaissez pas, il faut vraiment découvrir, parce qu'il nous plonge vraiment dans des mondes très surprenants, et en plus ça, son œuvre est très variée. Je connais d'ailleurs pas tout, je vais découvrir des choses, je manquerai pas cette séance pour rien au monde. Donc un long métrage qu'on va appeler. C'est pas vraiment un cinéaste d'animation, mais il a utilisé l'animation comme il a utilisé d'autres formes de cinéma, et c'est un cinéaste en liberté quelque part. Ouais. Et donc c'est pour la sortie notamment de DVD, des deux DVD, donc de L'Ange et de court métrage qui sont sortis sous l'impulsion de Jane Peeling, si c'est bien cela. Voilà. Donc le 28 octobre, Jane Peeling, qui est une grande historienne de l'animation, on va dire. Et qui édite des DVD. Et qui édite des DVD, tout à fait. Donc, ça sera au Forum des images le 28 octobre. C'est quoi le festival 16 000 Toon ? Région Poitou-Charentes, c'est une colle que je te pose ou... Oui, c'est possible. Non, j'ai vu ça dans le dossier de presse. Il y a la région Poitou-Charentes qui s'animera autour du festival 16 000 Toon organisé par l'Association des professionnels de l'image de la région 16 000 Images. Voilà. Donc, voilà. Ils vont faire toute une programmation en fait, avec des films d'école, des films produits dans la région. D'accord. Des ateliers, voilà. Nouveau festival. Évidemment, chaque, je vois Nord-Pas-de-Calais, évidemment, on va faire... Il y a pas mal de programmes sur les films du Nord. C'est-à-dire, en fait, chaque région... Mais voilà. Quand même à l'honneur les studios qui sont de leur propre, enfin du cru, comme on dit, de la région, quoi. C'était pour pas retirer deux fois région, mais bon, tant pis. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose dans le Limousin en matière de programmation. Amiens Lorraine. C'est parce qu'il n'y a pas de studio, c'est terrible. Je pensais que c'était une méchanceté que tu disais. Non, pas du tout. Alors, par contre, c'est vrai que c'est lié. Hein. Les régions les plus actives au niveau programmation sont souvent celles aussi où ils fabriquent le plus de films. Parce que finalement, ils vont pas. Ils vont Rhône-Alpes, moins loin, la Bretagne, par exemple. Ouais. En du Poitou-Charentes, on a le cinéma Dietrich, juste à noter, à Poitiers, qui fera un focus sur Ralph Bakshi. Ralph Bakshi, c'est l'auteur de Fritz the Cat, notamment, du Seigneur des Anneaux, dont on a parlé, la première version du Seigneur des Anneaux, la seule en animation d'ailleurs, en long métrage, et pas mal de choses intéressantes. C'est vraiment là des. L'intéresseur clé, on va dire, qu'aurait pu faire basculer enfin, le cinéma plus dans le cinéma d'adulte underground et qui arrive au moment où Yellow Submarine aussi est fait, etc. Et c'est vraiment. Un personnage clé. Pas mal, évidemment, aussi, je vois, ça se développe à l'île de la Réunion. Il y a marqué « Sur l'île de la Réunion, la fête s'amplifie. » Oui, oui, en effet. Alors, Juliette. Non, bah, on a une coordination, en fait, là-bas, qui est la Lanterne Magique. Une association qui organise des projections et fait des ateliers, en gros, de cinéma d'animation. Et qui, cette année, vraiment, a souhaité s'impliquer en présentant un programme de l'Agence du court-métrage, mais c'est l'année numérique. Et en proposant des expositions et puis pas mal d'ateliers de projection. Et pareil, en montrant aussi des films qui ont été réalisés sur l'île, dans le cadre d'ateliers. Mais l'idée étant de montrer aussi. Toujours aussi, oui. Voilà. Et donc, notamment, ils vont faire une exposition d'affiches de toutes les affiches qui ont été faites pour la fête du cinéma d'animation. Waouh! Petit détail. Petit détail aussi. Alors, j'ai pas le nom, je suis absolument désolé, mais c'est très bien que tu parles de. Parce que c'est vrai qu'à la fin, il y a les affiches. C'est Éric Le Dune qui a fait la première, Paul Drissen la seconde. Oui. Nouridine Zarine Kel, qui était le président de la CIFA, un réalisateur iranien. Abi Fejo, qui était un autre président de la CIFA, décidément. Qui a inventé la journée mondiale. Voilà, mais vous prenez que les présidents de la CIFA, c'est absolument, pour faire, ouais. Faire bien voir, c'est ça, il y a un côté. Non, ça continue après. Et Michel Oslo, qui a été aussi président de la CIFA. C'est n'importe quoi. Alors, Nina Palé, a priori, ne sera pas président de la CIFA. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais en tout cas, c'est. Paul Drissen aurait pu l'être, mais non, c'est pas le style. Hein, être, c'est incroyable. Et donc cette année, elle est très jolie cette année d'ailleurs, l'affiche. Hein. Elle est vraiment bien. C'est vrai qu'elle a beaucoup de succès. Et la réalisatrice Nina Paley qui a fait... Sita Sings the Blues. Voilà, un film un peu célèbre primé parce qu'il a eu la primaire en 2008. Puis il a surtout eu plein de problèmes au niveau des ayants droit. Voilà, c'est un très très bon cas d'école pour tous les étudiants d'école. Surtout quand vous prenez de la musique, faites attention. Parce que vous croyez qu'elle est libre de droit, en fait, elle ne l'est pas. Et après, vous ne pouvez pas sortir votre film. Voilà. Et juste une petite remarque, c'est la première fois que c'est une femme qui fait l'affiche de la journée mondiale. Wow. Et ça, c'est grâce à toi. Parce qu'avant, Olivier prenait que des mecs. Des présidents. Qui en plus, qui étaient présidents. Ça, c'est sa grosse tête. Ça, c'est Olivier qui veut absolument être président. Non, donc, voilà, Michel Oslo, c'est pas moi. Donc encore que c'était décidé, oui, t'as raison. Mais et voilà. Bravo Juliette. La décision par rapport à l'affiche très bien. Est une décision collective prise par la CIFA. Voilà. Donc il y a un certain nombre de noms qu'ils ont suggérés. Exactement. Par les membres du conseil d'administration et ensuite il y a un vote. Donc il y a un certain nombre de femmes qui ont failli faire l'affiche et qui. Oui, parce qu'on aurait pu imaginer que. Tu sais, s'il y en a des, oui. Des très talentueuses. Il y a des noms qui reviennent tous les oui, ans. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a des gens qui disent ça viendra. Oui, c'est pas une femme, mais. Oui, c'est pas une femme, mais. Voilà. Jane Peeling. Jane Peeling. Elle a été. Pour faire l'affiche. Parce que je voyais plutôt la. Moi, je me rappelle Caroline Leaf, de Florence Niang, de. Enfin, il y a un certain nombre de. Puis celle, l'anglaise, je trouve mémoire. Avec les bodybuilders, les stripteaseurs. Joanna Quinn. Joanna Quinn, oui, on va faire une affiche assez... Juste au passage, parce qu'on parle d'affiche, alors, je suis désolé parce que je vais faire de la pub, et je ne veux pas faire de la pub pour mon site, vous le savez, mais il y a un super blog qui vient d'être créé par un monsieur qui s'appelle Marco de Blois. Marco de Blois qui est quelqu'un qui travaille à la Cinémathèque québécoise. Et il y a un petit scandale qui s'est lancé à Ottawa, je crois. C'est pour la dernière affiche du Festival d'Ottawa. L'affiche a été créée par... c'est là où on voit que je rentre, c'est quand j'ai des trous de mémoire et que j'arrive pas à me souvenir, par Bauer de l'ONF, qui fait tous les films en... Je me retourne vers Olivier pour qu'il essaie de me sauver, qui avait fait... Thomas Bauer, qui avait fait le film et c'était... Voilà, Olivier va chercher, je vais vous dire pendant ce temps-là. Oui, je vois ta tête, mais voilà. Je vois plus son nom. Oui, ça ne va pas nous dire grand-chose, mais merci Olivier, ça fait plaisir. Donc, On va appeler Florentine Assora, elle au moins. Donc, Théodore Ouchoff. Merci. Je savais qu'en le poussant, ça allait marcher. et donc, il a fait justement l'affiche et il y a tout un scandale qui a été fait sur l'affiche, les médias là-bas disant que c'était une affiche vraiment nulle et que les enfants, ce fameux, dès que c'est un peu abstrait, les enfants pourraient faire la même chose, etc. Et Marco de Blois donc, a décidé de créer un blog avec toutes les affiches de plein de festivals. On a Annecy, on a Ottawa, on a voilà, tous les festivals, Hiroshima. Bon, c'est passionnant parce qu'on voit, et on voit à quel point les affiches d'Annecy sont vraiment pas belles. Et pas très originales, parce que beaucoup donnent, même à des réalisateurs ou des créateurs, de le faire. Koji Yamamura, on a fait une très belle pour Image par Image il y a quelques années, mais on a fait une autre pour un festival, je crois, Bratislava. Enfin, il y a de très très belles affiches, complètement folles. Et puis c'est vrai que, non, je suis méchant pour celle d'Annecy, mais c'est vrai qu'elle reste toujours dans le même... alors bon, au départ, il y avait ce petit personnage, et puis elle reste un peu dans le même moule, alors que... Là-bas, elles sont souvent elles peuvent être données. C'est passionnant de voir selon les pays par qui elles sont données. Et la fête devrait d'ailleurs envoyer, parce que je ne suis pas sûr que la fête soit sur le blog non. de Marco non. de Blois. Et la fête devrait envoyer des affiches. Et puis elles sont pas mal en plus. Il y en a qui. Ben c'est pour ça, ouais. Donc, je suis désolé pour le nom du blog. C'est voir sur The Web Animes, www.anim.com, c'est mon site. Hein. Mais je suis bénévole, hein, je ne gagne pas l'argent promis avec le site, donc je ne balance pas. Et puis voilà, j'ai fait une petite news, c'est vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien justement, en parlant de blog. Oui, hein. Alors juste avant de parler des moyens de communication D'accord. dont s'est doté l'AFCA récemment. Exactement. Moi j'ai deux petites choses à dire, c'est... en fait, comment devient-on? Parce qu'il y a l'AFCA et ses partenaires de programmation, dont tu nous as parlé un petit peu. Il y a l'ARFI, l'Association de la recherche d'un folklore imaginaire, la DRC, c'est que des trucs comme ça. L'Agence du court-métrage et la DAV. Ça, c'est quoi exactement? Et après, on parlera des coordinateurs qui m'intéressent un peu plus. Mais ça, c'est quoi? C'est des gens qui vous aident? Donc, c'est des associations, oui, qui travaillent autour de la diffusion de films, de cinématographiques, en fait. Et du coup, chaque année, on essaye de s'associer avec des associations de diffuseurs. Voilà, on va les appeler les diffuseurs. Oui, parce que la DAF, il faut faire attention. Voilà, c'est parce qu'en fait, les bibliothèques, en voilà, fait, avant les DVD. Depuis 2-3 ans, le réseau des bibliothèques s'implique de plus en plus dans la fête. Et du coup... pour des raisons, pour essayer de leur offrir aussi la possibilité d'accéder à des films et surtout de respecter le droit d'auteur, on s'est associé à la DAV qui a un catalogue très très riche en animation, et donc ils permettent en fait aux médiathèques pendant la fête d'avoir accès à des DVD à tarifs préférentiels et aussi d'avoir des tarifs préférentiels sur les projections publiques au sein des médiathèques et bibliothèques. Voilà, parce que la DAF, c'est en fait c'est un énorme catalogue de films tout type, quoi, pour les médiathèques. Voilà, ça fait partie des quelques sociétés, il y en a 4-5 ouais, hein, en France à peu près, qui en effet achètent en fait aux distributeurs DVD leurs films, et ensuite qui avec le droit de diffusion ou le droit de prêt en fait selon les proposent ensuite aux bibliothèques ou à tout ce qui est organisme institutionnel. Juste qu'intéressant en plus, c'est ouais, excuse-moi Olivier. Vas-y. Ouais, moi juste un petit mot par rapport à ça, parce que ça a été une vraie problématique, savoir comment on pouvait travailler avec ces diffuseurs là, parce que leur rôle était avant tout de fournir des films à des médiathèques notamment, mais c'est pas les médiathèques, leur vocation n'était pas d'organiser des projections publiques, donc ça a vraiment posé problème, à la fois avec le mois des films documentaires et avec la fête du cinéma d'animation qui est venue en plus là-dessus, et il y a un moment il a bien fallu trouver une solution, et du coup leur métier a évolué quelque part, donc aujourd'hui effectivement ils se sont aussi des gens qui proposent des films à la diffusion, donc alors évidemment c'est pas les mêmes droits, les médiathèques payent plus pour ça, mais en tout cas ça fait évoluer les choses, et ça a été, je sais que ça a été vraiment problématique à un moment donné, le CNC s'interrogeait là-dessus, et il a suffi d'un peu de bonne volonté de part et d'autre pour que tout le monde trouve une solution qui arrange l'ensemble des partenaires. Parfait. Et pour dire que c'est vrai que la personne de la DAF, Pascal Brunier, est quelqu'un qui va quasiment chaque année à Annecy. Je me rappelle qu'à une époque, il y avait même des films. C'était même assez dur d'ailleurs pour un fan d'animation. Enfin, il y avait des films qui étaient courts-métrages. Il faisait des programmes de courts-métrages. Il achetait pour faire ensuite, à l'époque, des VHS, je me rappelle, et qui étaient disponibles uniquement dans ces réseaux-là. C'est-à-dire qu'on voyait, on disait, oh, c'est pas vrai, on peut pas voir ce film, on va voir. Et il y avait même Leonard Stein était disponible directement, alors qu'il n'était pas forcément disponible. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est toujours assez intéressé, même beaucoup intéressé à l'animation. Alors, c'est quoi un coordinateur régional ? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir un coordinateur régional ? On appelle l'AFCA, on dit bonjour ? Parce que là, il y en a sur Paris, l'Essonne, Seine-Saint-Denis. Il y en a beaucoup ? Oui, alors il y a... Si, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, département du Gard, département du Gers, département...